طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد والأهل والصحبه نتبعهم بإحسان اليوم الدين. أما بعد، فخراسة ما أخذنا في الدرس الماضي أن كل ما جاء في القرآن تمام وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة يجب الإيمان به تمام وتلقيه بتسليم القبول et on doit délaisser les contestations ولا رد والتأويل الفاسد الذي يسمى بالتحريف ne pas interpréter ni déformer ونترك كذلك التشبيه والتمثيل on doit tout accepter comme cela est venu كان حول هذا بعد هذا المؤلف رحمه الله تعالى دخل في فصل جديد يتعلق بكلام أئمة السلف في الصفات qui sont des paroles des imams des salaf dans les sifat. Là, ils vont citer certaines. علما أن السلف أن أئمتهم كانوا يعني متفقين على هذا يعني أئمة السنة en ce qui concerne les asma wa sifat doit dépendre de leur apparent sans faire de tajbih ou tamthil ou takyif hatta tafouid kazalik. Maintenant, certains ont eu des zellettes, c'est déjà arrivé, certains imams ont des zellettes dans certains abouab, et l'allam adam iqamati al-hujja alayhim lam yubadda'u, car ils n'ont pas eu l'argument qui leur est exposé, la preuve. Ils ont cru que c'était la vérité, ce qu'ils voyaient, et ils n'ont pas été rendus novateurs pour autant. لَنَّا لَيْسَ كُلُّ مَنْ وَقَعَ فِي بِدْعَ سَارَ مُبْتَدِعًا مَا أَحَدْ وَمَعْصُمْ مِنَ الزَّلَّ وَالْخَطَى لَكِنَ الَّذِي يُبَدَّعُ وَالصَّحِبِ الْحَوَى الَّذِي يُعَانِدْ بَعْدَ مَا أُقِمَتِ الْحُجَّ عَلَيْهِ. Qu'est-ce celui-là qu'on badda, celui qui persiste et qui refuse l'épreuve après qu'elle lui ait été établie. Qala awalan. Qala l'imam Abu Abdillah Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal radiyallahu anhu fi qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc en premier, il commence par un kalam de l'imam Ahmed. Ça connaît Abu Abdillah. Aslan كلهم كنيتهم أبو عبد الله إلا أبا حنيفة. يكو أبو حنيفة سكونس أبو حنيفة. أما الإمام الشافعي سي أبو عبد الله. الإمام مالك سي أبو عبد الله. الإمام أحمد سي أبو عبد الله. وقوله رضي الله عنه من المؤلف الترضي على غير الصحابة على شيء جائز. C'est permis de faire, de le dire. Cependant, cela a été connu pour les sahaba à la base. Comme on a expliqué aussi, salat. À la base, c'est que la salat, c'est connu pour les anbiya. Bien qu'il soit permis de le faire pour autrui. Lakin al-awla an yutaradda ala sahaba. Et le taraddi ala sahaba, en réalité, ce n'est pas un doa pour eux. C'est un tahqiq, c'est un ikhbar. Lianna Allah qad qala anhu radiya anhum. Dans le Coran, Allah a déjà dit qu'il les a agréés. Alors lorsque nous on dit cela, c'est pas un dua réellement qu'on fait, c'est on informe, on confirme que cela a eu lieu. Et si jamais c'était dit pour autre que eux, là c'est un dua. Qala, yani l'imam Ahmed par rapport au hadith, qala inna Allah yanzilu lis-sama'i dunya wa hadha al-hadith, que Allah descend au ciel de la dunya. Hadith al-Nuzul, au dernier tiers de la nuit. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inna Allah yura fi al-qiyama, que Allah sera vu le jour de la résurrection. Pas par tout le monde. Bien qu'il y ait un khilaf. Wa ma ajbaha hadhihi al-ahadith, et tout ce qui ressemble à ces ahadith là. Qala nu'minu biha wa nusaddiqu biha. La kayf wa la ma'na wa la narudu shay'an minha. ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. Donc il a dit, nous y croyons, ces hadiths. On les croit. Sans chercher le comment. Sans le ma'ana. Et quand il veut dire le ma'ana, le sens, il veut dire par là, le fait de, comme l'ont fait les mu'attila. Comme le dit Cheikh Othaymin, qu'alef, par rapport à ce qu'elle aime là, qui pourrait faire penser que c'est du tafouid. Alors c'est pas ça que l'imam Ahmad il a voulu dire. Qu'alef, Cheikh Othaymin, ta'alikan ala adal kalam. Et la nuzbit laha ma'ana yukhalif zahira. كَمَا فَعَلَهُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ. Donc ça veut dire qu'on n'affirme pas un sens qui s'oppose à son opposé, à son apparent, comme l'ont fait les gens du ta'ouil. Il ne lui veut pas dire par là le fait de rejeter le ma'ana qui est sahih. Abadan, Imam Ahmed Ma'alouf, qui est le mulaqab bi imam al-sunnati wa jama'a dans son époque, car il est l'un des rares qui est tenu dans la fitna du mihna par rapport au fait de dire que le Coran est le makhlouq. C'est celui qui était le plus sceptique, le plus ferme. La plupart, sinon, ils ont tous capitulé. Soit ils ont fait talbis, ils ont fait tauriya, faire apparaître une parole te faisant croire qu'il est d'accord avec ce que tu lui dis, en fait, lui, au fond de lui, non. Et d'autres, ils sont tombés dans l'erreur. Parmi eux, ceux qui ont tenu, il y a Mohammed ibn Nour, rahimahullah ta'ala, qui lui aussi a tenu dans la fitna. C'est un des imams de l'époque. Cependant, lui, après sortie de la prison, il est mort. Ce n'est pas quelqu'un qui a duré après cela. Comme Zakara Ali, comment on a fait profiter mon professeur Badr à l'époque. Donc là, le kalem de l'imam Ahmed, ce n'est pas le tafouid. C'est dit, bila ma'ana et un ma'ana faux comme l'ont fait les gens du ta'ouil. Et également, nous savons que ce que, avec quoi est venu le messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la vérité. On ne refuse rien du tout de ce qui est venu de lui. Et on ne décrit pas Allah plus que ce qu'il nous décrit lui-même. Tafadhal. Bila haddin wa la ghaya. Laysa ka mithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Après, cite le verset, il n'y a rien qui est comme lui. Et il est l'audient et le clairvoyant. Et il dit toujours, l'imam Ahmed, wa naqul kama qal. ونصفه بما وصف به نفسه ولا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. Donc là c'est toujours le même kalam qui dit qu'on décrit Allah parce que c'est décrit lui-même, que nous ne contestons rien de cela. Et que tout ce que les gens auraient pu faire comme description de Allah ne l'atteignent pas. Allah il est au-dessus de cela. Là où le mathalu a'la, comme on a dit. Et tu ne peux le concevoir. On croit au Coran complètement, dans ces versets muhkama, ceux qui sont effectifs et clairs, et les mutashabih, ceux qui sont équivoques. Et on ne supprime aucune de ces sifat. Quelque chose qu'elles emmènent comme pensée aux gens, on ne supprime aucune. Wa la nata'adda al-Qur'an wa al-Hadith. ولا نعلم كيف كنه ذلك الا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القران. Donc on ne conteste pas le Coran ni le hadith, c'est-à-dire la sunna authentique. On ne connaît pas son zat, comment il est, son essence, si ce n'est en croyant ce que nous a dit le prophète صلى الله عليه وسلم et ce qui est venu dans le Coran. C'est-à-dire on prend comme cela les venus en apparent, mais le kayf on ne le cherche pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de kayf. Kéfia, il y en a une, mais nous, on ne la connaît pas. Pas même, on ne la connaît pas. Wa alaykoum salam. Thumma ba'da hada, le mu'allif zakara kalam li l'imam Abi Abdillah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. L'imam al-Shafi'i. Rahimahou ta'ala. Lui, il a dit, radira anhu. Dans le matin. Qal, آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Shafi'i? Il a dit je crois en Allah comme cela est venu de lui-même et comme il l'a voulu. Et je crois au messager pour ce qui est venu du messager, d'accord, provenant d'Allah, ce que Allah nous a dit à propos de son messager. et comme l'a voulu le messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire sans déformation. Les sifat et les asma, il les prend comme ils sont venus, comme Allah l'a voulu. Et aujourd'hui, aksar les shafi'iyah, c'est des asha'ira. La plupart des gens qui s'attribuent à l'imam shafi'iyah aujourd'hui, dans la aqidah, ils sont munharifun. L'imam shafi'iyah n'était pas asha'arite, abadan. Ismaïl Abul Hassan Ash'ari, il est venu après l'imam shafi'iyah. Donc comment pourrait-il être apparenté à lui et dire que l'imam Shafi'i c'est un Ash'ari, c'est ridicule. C'est comme les Shia, ils disent quoi? Que le Bukhari c'est un Wahhabi. C'est totalement absurde. C'est la même chose. Quand les gens ne savent plus quoi dire, ils tombent dans des énormités de ce genre-là. Donc le Coran, on y croit comme il est venu, sans ziyada et sans nox, sans rajouter et sans enlever. Et sans tahrif, sans détériorer ou altérer. Comme l'ont fait qui? Les Yahoud, mathalan. Puis après les gens du Ta'til. A savoir que les gens du Ta'til ont fait le tahrif fima azaf mea talak bizatillah. Alors que les Yahoud, eux, c'était plus dans les textes par rapport au Arkham. Pour que cela corresponde avec leur passion. Allah musta'an. Kanu a'lam billah min al-ahbash. Tu vois les Ahbash aujourd'hui? Les Yahoud. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ils parlent, les Yahoud, mais je parle des Yahoud tels qu'ils sont connus dans le Coran ou quoi. Ils étaient dans, en ce qui est ta'alak, dans la Aqidah, ou à ce moment sifat, ils étaient a'lam min al-ahbash. Aujourd'hui. Qui eux se disent Asha'ira et qui sont Jahmiya kazalik. Après, c'était un troisième kalem, qui est kalem, qui est un khurasa de ce qu'il vient de citer. Lui, il a mis que le kalam de l'imam Ahmed et l'imam Shafi'i. C'est en khurasa, c'est en résumé, c'est tout. Alors que d'autres aïmans ont dit pareil. Même Abu Hanifa, dans ce bab-là, il est à la sabbat, dans les sons en sifat. D'accord? Lui, sa zelle, c'est dans bab al-iman. Donc les imams de la sunna, sur ce bab-là, étaient mujma'un. Et cela depuis les sahaba. Il y avait ijma' entre eux par rapport à ça. Qala المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا على هذا درج السلف وإمة خلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على إقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير التعرض لتأويله كسلسي كما شمين السلف et les imams également parmi les khalaf c'est ceux qui sont venus après les salaf. Il parle des imams de la sunna. Ils y sont tous unanimes qu'il faut reconnaître cela et prendre les affirmer les sifat comme elles sont venues dans le Coran et dans la sunna authentique sans contester et sans interpréter. Bon, allez comme ça. Et le ta'wil, on a dit, il peut être parfois les wajib, faire un ta'wil dans certains textes. Mais tu fais un ta'wil quand tu as un dalil, un indice qui te montre que là, tu fais un ta'wil. Que ce soit dans les sifat ou autre. Des fois, le Coran, quand même, certains versets ont besoin d'un ta'wil. Ce ta'wil-là, tu le fais basé sur une preuve, et à la base, c'est que tu étais devancé par les salafs là-dessus. Ce n'est pas un ta'wil de ta tête que tu viens comme ça. Il faut que tu aies un salaf parmi les gens mourtabelines qui ont parlé avant toi sur cette mas'ala. Donc ça, c'était le fossil dans lequel il cite le kalam de certains imams de la sunna pour montrer qu'il faut suivre leur voie. Et que celui qui s'apparente à eux doit avoir leur aqida, qui était celle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam en premier lieu, celle de ses compagnons qui leur enseignaient, et celle des imams de la sunna après eux. Tu ne peux te dire salafi si ce n'est en acheminant sur leur voie. Donc là, il te donne un extrait. Comme il l'a dit dans le Unwan, l'um'ah, al-irtiqad, c'est l'essentiel. Il n'a pas fait de tawassu. Il aurait pu ramener plein dans le tahawi, il y en a pas mal. Il aurait pu en ramener plein. Juste ces deux-là, elles suffisent. Thumma qal faslun fi at-targhib fi sunna wa tahdhir min al-bid'a. Qui un fos qui amène à suivre la sunna et qui met en garde contre la bid'a. L'innovation en religion. أولا كما ذكر الشيخ عثيمين السنة لغة ما معناها الطريقة سلافوا السنة واصطلاحا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل في سقوية النبي صلى الله عليه وسلم avec ses compagnons comme croyance et comme acte. Et la sunna ذكرنا أنها قسمت ثلاثة أقسام. Certains ont fait plus. Mais les trois autres, tous les autres aqsam reviennent à ces trois-là principalement. Quels sont-ils? Là. C'est pas ça que je vise. Fi'liya par ses actes. Qawliya par ses paroles. Takririya, le fait qu'il cautionne ce que autre a fait que lui et qu'après il affirme que cela fait partie de la sunna. Naam, arsanta. Car ce n'est pas. Il y a des choses que lui n'a pas fait, mais qu'il a dit, ces choses-là font partie de la sunna. Il les a cautionnées. Et a même cité une récompense pour celui qui l'a fait. Sans pourtant que lui l'ait fait auparavant, quand même, mais des sahabas ont fait certaines choses et il l'a cautionné. Et ce qui montre quoi également? Ça, c'est parmi l'adillah, à la jawaz et l'ijtihad, bina yaday et l'alim. Qu'il est permis de faire un ijtihad même devant qui est plus savant que toi. Car les sahabas ont fait des choses de eux-mêmes, pas inventées, mais des choses par rapport à ce qu'on essaie, qu'ils ont vu comme étant plausibles. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, soit il a cautionné, ou soit il a réprimandé. En disant, non, mais ça donne telle et telle chose. Et ce qui était cautionné, et qu'il a, dont il a fait l'éloge par la suite, il a même cité une récompense. Hadith tusamma bi sunna at-takririyya. Naam. Donc, ittiba'a sunna, sur la sunna, ça c'est obligatoire. Comme on dit Azza wa Jal, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Vous avez certes en le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un bon exemple à suivre pour qui espère Allah rencontrer Allah au jour dernier, c'est-à-dire sur une bonne position. وكذلك parmi الأدلة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ce que le prophète vous a apporté, prenez-le, et si vous a interdit, délaissez-le. Dans le Coran. Et dans la sunna, comme a dit le hadith, مثلاً, قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي غضوا عليها بالنواجذ. Qu'il a dit, accrochez-vous ma sunna, il y a celle des califs bien guidés, les quatre, après moi, et accrochez un immense désir avec les molaires, car les molaires sont les dents les plus fortes de derrière. Et plein de hadiths sont venus sur le fait de s'accrocher à la sunna. ثم البدعة, لغتين, c'est quoi la bid'a? C'est الشيء المستحدث. La chose innovée, chose nouvelle sans précédent. واصطلاحا ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل. Et on peut dire à la cause de ta'abud. C'est tout ce qui a été innové en religion, enfin c'est un qaid qui est important en religion. S'opposant à ce qu'a été le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons comme croyance et comme amel. C'est-à-dire une chose par laquelle tu vises l'adoration. Car des gens, des fois, tu fais des choses en religion et ils te disent, quand tu leur dis ça c'est une bid'a, ils viennent te sortir leur shubuhat qui est hazila, qui est pathétique, en disant, ah bon, eh ben ils disent alors, manger des pâtes c'est une bid'a aussi, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne mangeait pas de pâtes. Par exemple, tu dis manger des pâtes c'est pas une ibadah. À la base, dans les choses d'Ounia, c'est mubah, c'est permis. Et à la base, manger, c'est âme. Si tu mets une niya, c'est une ibadah. Si tu mets une ibadah, mesela, je mets une niya de me renforcer pour Allah, pour telle et telle chose, naam. Et c'est pas déterminé dans des certaines nourritures. Par exemple, des fois, tu manges des dattes, tu mets une niya, c'est une sunnah que tu as fait à tel et tel moment. À la colline, ils te disent des choses comme ça. Prendre la voiture, c'est bid'a. Faire telle chose, c'est bid'a. Tu vois, on dit non, ça, c'est un qiyas, c'est pas acide. Non pas de ibadah, celles qui sont tawqifiya, des actes d'adoration que toi tu fais là, tu as fait une ibadah que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais faite. Alors prendre la voiture, on peut faire une comparaison pour la voiture avec le chameau à l'époque, c'est une monture. Donc même là-dessus, on peut te faire un rod. Tu vois, c'est juste une chose nouvelle, c'est-à-dire elle a évolué. Mais les ahkem du musafir, que ce soit en bateau à l'époque ou en avion à notre époque aujourd'hui, sont les mêmes. Elles n'ont pas changé. Ça, c'est le moyen qui a changé. Mais le os, il est pareil. À la colline, des gens, ils veulent jouer avec les raisons. Et des fois, des gens, bah, masakin, ils ont pas étudié, ils savent qu'ils ont tort, mais ils savent pas quoi leur répondre. Tu vois? Donc ça, c'est une chose importante dans les ta'arif, dans les définitions, à bien retenir. Enfin, dans la bid'a, la qaïd qui est important, c'est wa qusida bihi at-ta'abbud. On vise par cela l'adoration. Naam. Donc, les bid'a, c'est quoi le hukm? Elles sont haram, mutlaqan, dans l'absolu. Et il n'y a pas de bid'a hasana, de bonne bid'a. Il n'y en a pas. Et cela est une chose qui s'oppose à la voix du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Comme encore la Azza wa Jal, « وَمَنْ يُشَكَكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ وَمَنْ يُشَكَكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِهِ مَا تَوَلَّى نُصْلِي جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Celui qui fit sécession avec le messager après que la guidée lui était parvenue, c'est-à-dire il eut la preuve, le dalil, ça c'est parmi les preuves de il commet le hujja, d'accord, et des fois ça peut être une chose par rapport à l'excuse, par l'ignorance, et qui suit une voie autre que celle des croyants, et là le tafsir c'est celle des sahaba, celle des salaf. Alors nous le guiderons en enfer, et quelle mauvaise destination. Fait al ma'na. L'anfaïda que je voudrais rajouter par rapport à la bid'a, qui montre sa dangerosité, que la bid'a muta'allaqa bi shirk billah, elle a un lien avec le shirk. Kama dhukira fi qouli Allah azza wa jal, hal lahum shuraka shala'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Ont-ils des associés qui leur ont légiféré ce que Allah n'a pas autorisé en religion? Cheikh al-Islam, rahimahou ta'ala, il dit dans Iqtida Surat al-Mustaqim, فَمَنْ دَعَا إِلِي غَيْلِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكْ. Celui qui appelle à autre que Allah, il est associé. وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ بِغَيْلِ إِذْنِهِ فَقَدْ إِبْتَدَعَا. Et celui qui est appelé vers lui d'une façon qui n'a pas été permise, il a innové. والشرك بدعة والمبتدع يؤول إلى الشرك. Donc le shirk c'est une bid'a, et le مبتدع l'innovateur, طيب, lui il peut être comparé au shirk. قال ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك. Et tu ne trouveras pas مبتدع sans qu'il ait en lui une part de shirk. Cheikh Anfamin l'a dit, ta'alikan ala dal kalem, commentons ce kalem-là. Shirk wa mubtadi' no'an. Mubtadi' a deux formes de shirk. No'un yata'allaku bi rububiyya, wa no'un yata'allaku bi uluhiyya. Il a une forme de shirk qui est liée à la rububiyya, la seigneurie, et une forme de shirk qui est liée à l'uluhiyya, à la divinité. Amma rububiyya liyennahu shara'a wa nasaba nafsahu hakiman wa mushri'an. وَلِيَنَّهُ لَا يَفْعَلُ بِدْعَةً إِلَّا وَهُوَ يَعْتَقِدْ أَنَّهَا قُرْبَةً. Pourquoi dans la Rububiyya? Car il a légiféré une chose et c'est lui-même attribué le statut de Hakim et de législateur. D'accord? Mushli'an. Car lui, il n'a pas fait une bid'a sans qu'il n'ait pour croyance que celle-ci le rapproche d'Allah. Donc il en a fait une ibadah. Donc il s'est permis de dire, ça c'est une ibadah. Et l'ibadah est tawqifiyya à la base. C'est basé sur un décret divin. Donc lui il a dit, non, ça c'est une ibadah. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a une part de shirk dans l'urububiyya. Amma al-uluhiyya, falyennahu ittaba'a hawa, wa khalafa maulah, wa hadha yata'allaku bil-ibadah, wa al-uluhiyya. Donc la part dans l'uluhiyya c'est quoi? C'est que lui, il a suivi ses passions, et il s'est opposé à l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça lié à quoi ça? À l'ibada. Donc c'est par du shirk dans l'uluhiyya. Wa kadhalika, toujours dans le même marjia, dans l'Iqtida Surat al-Mustaqim, Cheikh al-Islam dit quoi? Dans le fait de mentir sur Allah. L'istira ala Allah. Qala Allah azza wa jal, inna allazina attakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa zillatun fil hayati ad-dunya wa kadhalika najzi al-muftarin. certes, ceux qui ont pris le veau, ils seront atteints par une colère de leur Seigneur et par un avilissement cette dunya. Et c'est de cette façon-là que nous châtions les menteurs. Abu Qilaba, il a dit, هِيَ لِكُلِّ مُبْتَدِعْ مِنْ هَذِي الْأُمَّةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Que ce verset concerne également tous les moutadirs de cette umma jusqu'au jour du jugement. Et Cheikh l'Islam confirme ce kalam-là en disant وَهُوَ كَمَا قَالْ فَإِنَّ أَلِ الْكَذِبْ وَالْفِرِّيَّ عَلَيْهِمْ مِنْ الْغَضَبْ وَالْذِلَّةِ مَا عَدَّهُمُ اللَّهُ بِهِ مَا أَوْعَدَهُمُ اللَّهُ بِهِ. Naam. Donc il a dit, en effet, les gens du mensonge et des mythes, ils auront la colère d'Allah ainsi que l'avilissement comme Allah leur a promis. والشرك والبدع مبناها على الكذب والافتراء. ولهذا فإن كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان للشرك والابتداع والافتراء أقرب. Donc il a dit que le shirk et la bid'a, tout ça est bâti sur quoi? Sur le mensonge et les inventions. C'est le même truc. C'est وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. Que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc toute personne, plus elle est loin du tawhid et de la sunna, et plus elle se rapproche du shirk et de la bid'a. Donc la bid'a, comme la ma'asiya, sont des voies qui mènent au shirk, au fur et à mesure. Naam, wali'azu billah. Hada kana mimma bil fayda faqat. Nouasil. Thumma qala al mu'allif. Wa qad umirna bil iktifa' li athalihim wa li ihtida' bi manarihim. وحذرنا من المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. Donc nous étions obligatoires de suivre leurs traces, c'est-à-dire des salafs. D'accord ? De suivre leurs guidés. Il nous a été défendu de commettre des muhdathat, des innovations. Et nous avons été informés quels sont des égarements. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي غضوا عليها بالنواجذ. Le hadith qu'on a dit tout à l'heure. وإياكم الشاهد وهنا وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc prenez garde aux choses nouvelles, car toute chose nouvelle est innovation, et toute innovation est égarement. Donc là, on avait pris quoi? Al-Fadl al-Umum, on avait dit quoi? Kul. Il a dit quoi? Kul la bid'atin dalala. Toute innovation. Il n'y a pas d'istina, il n'y a pas de tarsis. Comme on a pris dans le Usul al-Fiqh. C'est toute innovation. Qu'elle te paraisse petite ou grande. Et les petites bid'ah t'amènent aux grandes bid'ah. Tu commences par une petite aujourd'hui, que tu la vois comme étant minime. Demain, tu vas finir dans les rangs des têtes de la bid'ah. Comme cela s'est passé avec les Hassan II qui faisaient du tasbih avec des cailloux, ils ont fini chez les Khawarij. L'histoire, elle est connue. ثم ذكر المؤلف كلاما لابن مسعود قال رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. Il a dit quoi, Ibn Mas'ud? Suivez et n'innovez pas, car dans le sens كفيتم, ceux d'avant vous vous suffisent. C'est-à-dire, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, vous n'avez rien à faire de nouveau. Vous suivez, ittabi'u, wala tabtadi'u. Toi, tu as juste à suivre. Tu n'as pas apporté une chose nouvelle. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'ijtihad, de place de l'ijtihad dans la religion. L'ijtihad, il a sa place, il a yom al-qiyamah. Mais l'ijtihad est basé sur quoi? Sur le dalil. Et pour arriver à quoi? Au haqq. Et justement, pour arriver à quoi? À la sunnah, pas pour arriver à la bid'ah. Donc nous, on a juste à suivre. Et c'est ça, Salafi. Il suit. Qui? Les trois premières générations. Il comprend le Coran et la Sunna comme l'ont compris les trois premières générations. Il n'apporte rien de nouveau de lui-même. Et lui, Ibn Mas'ud, ce qu'elle aime là, c'est quoi? C'est un Moustanbet, Nikullah Azawajel, Elyum Akmeltu Lakum Dinakum. Et aujourd'hui, Tayyib, j'ai parjuré pour vous ma religion. Donc la religion n'a besoin d'aucun ajout. Et d'ailleurs, comme les ulémas le disent, celui qui innove, c'est comme si diffamait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas rempli sa mission, qui n'a pas tout enseigné, qui manquait des choses. Donc lui, il se dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait telle chose, ben moi je vais la ramener, car il a oublié de la faire. Et ça, c'est un torn. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a tout apporté. Comme a dit Aïcha, فَمَنْ حَدَّثَكَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمْ فَقَدْ كَذَبْ مُتَّفَقُونَ عَلَيْهِ. Celui qui te dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a caché des choses, c'est un menteur. Donc il n'a rien caché. Tout ce qu'il avait à dire, il l'a dit en religion. Donc là, c'est un call parmi les accols des Sahaba. Ibn Mas'ud. Il y en a plein d'autres. Après, c'était des accols de Tabi'in. Parmi eux, Omar ibn Abdul Aziz. Rahimahullah ta'ala. Kalaman ma'ana. Qal. Il a dit quoi, Omar ibn Abdul Aziz? Qui lui est né en 63 de Al-Hijra et qui est mort en 101. Comme le cite le Shir en dessous dans Ta'liqat, qui était un calife également, qui était un exemple à suivre et qui était un homme de science. قال قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل ولو كان فيها أحرى. Donc c'est-à-dire quoi? Toi, arrête-toi où ils se sont arrêtés, c'est-à-dire les Sahaba. Car ils ne se sont arrêtés sur une chose que par science. Et eux, dans le fait de découvrir la science, justement, ils étaient plus forts que nous. Et que si jamais il y avait un fort de la savoir, ils étaient les gens les plus soucieux à l'obtenir, plus que nous. Donc ne pense pas que tu vas faire mieux qu'eux. وَلَيْنِ كُلْتُمْ حَدَثَ بَعْدَهُمْ فَمَا أَحْدَثَهُ إِلَّا مَنْ خَالَفَ هَدِيَهُمْ وَرَغِبَ عَنْ سُنَنِهِمْ وَصُنَّتِهِمْ وَلَقَدْ وَصَفُوا مِنْهُ مَا يَشْفِي وَتَكَلَّمُوا مِنْهُ بِمَا يَكْفِي فَمَا فَوْقَهُمْ مُحَرِّسٌ لَعْفُوًا وَمَا فَوْقَهُمْ مُحَثِّرٌ وَمَا دُونَهُمْ مُقَصِّرٌ وَلَقَدْ قَصَّرَ عَنْهُمْ قَوْمٌ فَجَفَوْا وَتَجَاوَزَهُمْ آخَرٌ فَغَلَوْا وَإِنَّهُمْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ. Donc il t'a dit quoi? Que tout ce qui est arrivé après eux ne sont que les choses nouvelles qui s'opposent à la voie des salafs, des sahaba. Et cela ne provient que de gens innovateurs qui ont délaissé la sunna des précédents. Car eux, ces gens-là, les sahaba, ont apporté la solution, le remède aux maladies, c'est-à-dire la maladie de la bid'a. Ils ont parlé de ce qui suffisait. Il n'y a rien à dire de plus qu'eux. Donc celui qui essaie de faire plus qu'eux, il va se fatiguer. Et celui qui en fera moins, il aura, on va dire, dénigré leur rang. Celui qui ne revient pas vers eux et qui ne prend pas la religion comme eux l'ont comprise, il aura été grossier et insolent envers ces personnes-là. Tamam. Et d'autres, ils ont exagéré, ils ont dépassé les limites, ils sont tombés dans le rouleau. Donc il dit quoi, celui qui est entre les deux voies, ni dans le taksir, ni dans le tahsir, celui-là, il est sur la voie droite. Ni tu les dénigres, toi-même, ni tu en fais plus que eux. Tu restes sur la voie sur laquelle ils étaient, because of istita'atik, biznillah ta'ala. Thumma zakara kalaman akhar, al-imam Abu Amr al-Awza'i, radhiyallahu anhu. Il a dit quoi? Alayka bi athar man salaf, wa in rafadaka an-nas, wa iyaka wa ara rijal. وَإِنْ ذَخْرَفُوهُ لَكَ بِالْقَوْلِ. Il dit quoi l'imam Awza'i? C'est Abdul Rahman, parmi les imams du Sham, radiallahu anhu, comme l'a dit l'auteur. Il a dit, suis les traces des salafs, même si les gens te refusent pour cela, chose qui est le cas aujourd'hui. Et prends garde aux opinions des gens, même s'ils te les embellissent. Fais attention aux belles paroles des gens, qui te rendent les choses innovées comme étant belles et plaisantes. Et toi, ne te déprime pas, ne sois pas attristé des gens qui te délaissent du fait que tu suives la sunna. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'un jour viendra, an al-masik bidini, kal-qabid al-jamr. Celui qui s'accroche à sa religion, soit comme celui qui tient une braise ardente dans sa main. Elle sera extrêmement dure. وقال بدل الدين غريبة وسيعود غريبة فتبل غرابة. Que la religion a commencé étrange, elle finira étrange, Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les ghuraba. Aujourd'hui, on le sent vraiment. Quand tu es sur la sunna, plus tu t'y accroches et plus les gens sont contre toi en général, mais les gens de mal. Et aussi nombreux soient-ils, la yadurrunaka. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tazalu ta'ifatu min ummati ila al-haq. Qu'une partie de sa communauté sera toujours sur la vérité. La yadurruhum man khazalahum. Et qu'ils ne subiront aucune nuisance de ceux qui les ont abandonnés. Ce sera de la fatigue, certes. Même une épreuve, et petit là, mais en nuisance, en réelle nuisance, il n'y en aura pas, venant de leur part. Le haq mansour, comme quand l'Azza wa Jal, ja al haq wa zahaq al batil, inna al batila kana zahuqa. Que la vérité est venue et que le faux est amené à disparaître. Hakada. Thumma zakara atharan akha, un autre athar, de Muhammad ibn Abdul Rahman al Ardami, avec un homme qui parlait de bid'a et qui appelait les gens cette bid'a. Maza qala, en fait, munakasha entre cet imam, Mohamed ibn Abdillah al-Ardami, et ce mubtadi'a. Qal, hel, il a dit à cet homme qui faisait la bid'a, hel, alimaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa Abu Bakr, wa Omar, wa Othman, wa Ali, ou lam ya'lamuha. Qal, lam ya'lamuha. Il a dit, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'Abu Bakr et Omar et Othman et Ali, ont connu cette chose que tu fais? Il l'a dit, ils n'ont pas connu. D'accord? Qal, fa shay'un lam ya'lamuhu ha'ula ya'lamtahu, fa qal ar-rajul fa inni aqul qad 'alamuha. Donc là, il a bloqué, première étape. Il lui dit, est-ce qu'une chose qu'eux n'ont pas connue, toi tu l'auras connue? Après, il dit quoi l'homme? Il a dit, si, ils l'ont su. Ils l'ont su, en fait, ce que je suis en train de faire. Ils l'ont su. ثم قال, أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال, بلى, وسعهم. Donc, قال, il a dit quoi? Ne leur est-il pas possible qu'ils parlent de cette chose que tu es en train de faire là et qu'ils appellent les gens à la faire? Il a dit, si cela leur était possible. Même ici, cela leur était possible. Il a dit fa shay'un wasi'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa khulafa'ahu la yas'ahu lak ou la yas'ahuka anta. Donc une chose que eux, on va dire, ne sont pas permis de faire, toi tu vas permettre de le faire. Car eux n'ont pas fait ce que tu es en train de dire là, n'ont pas appelé les gens, n'ont pas parlé. Donc toi tu viens aujourd'hui et tu le fais, cela t'est-il possible? Fahamt? Fankata ar-rajul. Donc là il s'est tué, il n'a plus d'argument. فقال الخليفة الأمير كتب قزان كان حاضرا لو وسع الله ولا من لم يسعه ما وسعه que là n'élargisse pas à celui qui se permet de faire des choses qu'eux n'ont pas faites, c'est-à-dire les sahaba et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui se permet de faire des choses qu'eux ne sont pas permis de faire. Donc là c'est un rod au mubtadi'. قال وهكذا ما لم يسعه ما لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم وراسخون في أو راسحين في العلم من تلاوة آية الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. Donc lui là il reprend le même dua en disant que toute personne qui se permet de faire ce que le Nabi صلى الله عليه وسلم et ses compagnons et les imams parmi les salafs n'ont pas fait, surtout parmi les rasikhuna fil ilm, comme lecture dans les versets des sifat, quand même, et tout ce qui concerne les sifat, les choses qui sont liées au ghaib ou à kaza, et qu'ils les prennent comme elles sont venues, que Allah ne lui accorde pas de bien, en fait, c'est un dua. Fiad al-ma'ana. Donc là, toute personne. كما قال الشيخ عثيمين وكذا كان صاحب صاحب باطل من بدعة أو غيرها لابد أن يكون ماله الانقطاع عن الجواب. Il dit ça, كلام حق قوي جدا. C'est comme ça, toute personne qui appelle au faux ou à une bid'a ou autre, que son aboutissement sera quoi au final? Qu'il finira par se taire devant les arguments, il ne pourra pas répondre. C'est pour ça que tu verras les gens quand tu leur apportes des roudoud avec la vérité, ils ne peuvent pas répondre, ils se taisent. Ou alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils diversent, ils font diversion. Ils changent de sujet pour faire autre chose. Toi, tu le ramènes au sujet du litige, lui, il va ailleurs. Par exemple, il prend sur des erreurs de nahou, il va prendre sur une erreur, autre chose. Alors, non, on ne parle pas de ça, on parle de ce sujet-là. Là. On va pas à droite, à gauche. Si tu veux, une fois qu'on a fini ce sujet-là, on parle de tout le sujet. Ils font diversion, comme on dit. Parce qu'ils savent que le sujet, le cœur du sujet, il ne pourra pas y répondre. Donc, soit il se sauve. D'accord? Il se sauve, il ne répond pas. Ou soit alors il fait diversion. Ou t'en as, ils ont une autre technique. Ils vont faire un rod. Ils vont faire un long calem. Amener plein de trucs. Pourquoi? Pour dire, ah, oh, t'as dit beaucoup de choses. C'est-à-dire, forcément, il a raison. Et en fait, son calem, ça aurait pu se faire en deux lignes. T'apportes quatre pages, cinq pages. Comme ça, il te fatigue, tu lis pas tout. Et tu dis, crois, il a raison. Même qu'il a raison. Alors que non, c'est bon. T'es. Donc là, c'est mon code d'imam pour arriver à ce qui va arriver par la suite. Sur quoi étaient les imams de la Umma, avant eux, bien sûr, les Sahaba. Et maintenant, contre la bid'a, comme ça, qui viendront par la suite, qui touche au Asma wa Sifat. Fa'ilahuna, walhamdulillah rabbil alamin.